Bouffée de spleen, alors je tire une bouffée de spliff et puis je plane. Pour tuer la déprime, je sens monter les larmes, alors j'écris mes souvenirs avec des phrases qui coulent, glissent comme le sel sur mes joues. La gorge trop nouée pour que je parle. Adolescent incandescent, marqué au fer de la vie. J'allais sur le mont Phébé la nuit pour voir les lumières de ma ville. Devenu un homme à part, ignorant la peur, préparé au pire. Qui se bat pour avoir sa propre part d'un empire dans le ciel. La genèse de mes peines, couché sur un procès verbal. J'ai vu mon sang sur le sol sale du commissariat central. En face d'un flic corrompu et tranquille qui me disait parle, mais j'ai fermé ma gueule en attendant de sortir de cellule. Dehors, j'ai vu que mes potes faisaient la fête, étaient à Kéféré. Pendant que les flics me faisaient ma fête et que le juge me déférait, j'ai compris qu'en fait de potes, j'avais beaucoup de Kéfir ou Méré qui disaient nous à la place de jeu en ne pensant qu'à eux. Mes seuls amis étaient des lames, des paramines, des guns. Les autres mes ennemis, devenus parano, je dormais mal comme un criminel. Et quand une gomme disait je t'aime, je lui répondais je te rappelle. Après je la zappais, quand on se voyait je la calculais à peine. Quand mon cœur piquait, je désinfectais au sky à la life. Bernard un Jack Daniels glace, ce soir j'ai mal à la life. Après je lève un tas à bas qui me fait raidir la bike. Pipe doggy style à l'aubestaille et moi je m'endors d'ice. Si y'a que comme ça que les mauvais rêves se cachent, moi je m'en fiche, je m'attache pas. C'est toutes des bitches sauf maman. Elles débitent toutes les mêmes bêtises en t'aimant. Mes reins sont celles qui filent droit quand tu bétons même peu de temps. Un jour tu sors et tu la croises avec un mari et un enfant. Tu souris, le cœur est serré, il est tard maintenant. Regarde derrière quand rien ne t'attend, tu regardes devant. Maman m'a dit les gens qui s'aiment c'est charmant. Que mal accompagné, dehors compagné. Même sans aucun ami, ça vaut mieux que d'être saigné tout. Après qu'on t'ait trahi, ton nom fut sali. Que tu nais ici, c'est que tu meurs aussi. Ceux qui t'aiment le savent, tu les aimes aussi. Mais sur ta route tu vas, avec tes doutes tu vis. Même si c'est pas facile, qu'on sait pas qui tire les ficelles. Nous on s'essaye, on essaye. Je me fraye ce chemin sans même savoir où est-ce qu'il me mène, t'as vu. Oui mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime.